Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bid-Ammaj au Yémen, cours numéro 18. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان يوم الدين أما بعد طيب نواصل اليوم سندخل في الدرس الثامن عشر لا 18ème leçon qui elle-même se rapporte à la suite de N. Auparavant on avait pris N dans les verbes qui n'ont pas de domaine qui est attaché sans domaine mutasil. On avait dit quoi que lorsque un il rentre devant un verbe, après les mansoub, ou alamat nasbihi, son signe de son nasb, c'est quoi? C'est la fatha. Maintenant, on va prendre avec les verbes, les afa, les khamsa, amsil, les khamsa, ceux qui ont un domaine mutasil qui est attaché. Comment est-ce qu'il va être mansoub, le verbe? Ça va être quoi son signe? Car ces verbes-là n'ont pas de domma. Donc, c'est quoi la chose qui remplace le domma? Ou plutôt la fatha, qui prouve qu'il est mansoub. Taïeb, c'est un akran nas. وأنا سأقرأ حامدا وأنت تقرأ الباقي إن شاء الله. طيب. طيب حامد يقول لزوجته أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ donc il dit à sa femme où veux-tu aller après la salat du asr؟ أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. نعم. donc أمينة dit je voudrais visiter notre voisine celle qui m'a visité hier. حامد يقول أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ est-il possible de revenir avant la salat du maghrib؟ يمكن إن شاء الله. il dit cela est possible إن شاء الله. حامد يقول أرجو أن تغسلي قميص الأبيض بعد رجوعك من بعد الجار من عند الجار. donc j'espère que tu laveras mon camis blanc après ton retour de chez la voisine. سأغسله وأكويه إن شاء الله. il dit je vais le laver et je vais le repasser, Inch'Allah. Akoui, c'est le moudalir de Kawa Yakoui, qui veut dire repasser. Naam. Hamid Yakoul. Aina turidouna an tadhhabou al-an ya abnaï. Où voulez-vous aller maintenant, ô mes fils? Nadhhabou al-an ya masjidi, wa ba'da salati. Nouridou an nadhhaba ila souqi. Inashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Donc les abnaï, les fils, ils disent, nous allons maintenant au masjid. Et ensuite, après la salat, nous voulons aller au lieu de commerce pour acheter des stylos et des cahiers et des règles. Masatir, c'est le djem de Mistara, c'est une règle. Hamid Yakoul. Eina zumala'ukum. Maja'ou l'yom l'ziyaratikum ka'alatihim kula uzbu'in. Il dit, où sont vos camarades? Ne sont-ils pas venus aujourd'hui pour vous visiter, comme leur habitude chaque semaine? Aada, tayeb, aada, c'est habitude. Et ka, كعادتهم كذا va venir صحف جار qui veut dire comme et عادة c'est une habitude. نعم الأبناء أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. ils disent ils ont voulu aujourd'hui aller au musée. متحف c'est musée. حامد يقول يا بناتي أنا الآن أذهب للمستشفى لعيادة سلمى أتريدنا أن تذهبنا معي. donc il dit oh mes filles, je vais maintenant aller à l'hôpital afin de visiter Salma. Donc, Iyada, c'est comme Ziyara. Sauf que je crois que Iyada, c'est le mot visite qui est propre au malade. Naam. Qui veut aussi dire revenir. Mais là, Iyada, c'est surtout pour le malade. Alors, Ziyara, ça peut être pour quelqu'un qui n'est pas malade. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Naam. Naam. Donc, il dit oui. Hamid Yakoul. ماذا تريدنا أن تأخذنا لها؟ que voulez-vous donc prendre pour elle؟ نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرة. طيب، donc ils disent nous voulons prendre cette boîte de bonbons ou de sucreries ou de confiserie. علبة c'est une boîte. طيب، علبة c'est une boîte. car سلمى aime beaucoup ces sucreries. طيب إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. ألم بكو السكري. Hamid يقول أتريدنا أن تأخذنا شيئا آخر؟ Voulez-vous prendre autre chose? نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. Donc les filles disent nous voulons prendre ce magazine et ce livre et ces vêtements. Hamid يقول أرجو أن لا تأخذنا هذه الأشياء كلها فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين حجيجة وعائشة وأم كلثوم أيريدنا أن يذهبن معنا؟ Donc il dit j'espère que vous ne prendrez pas toutes ces choses là car l'hôpital ne permet pas de faire entrer beaucoup de choses. Où sont Khadija et Aïcha ou Kulthoum? Est-ce qu'elles veulent venir avec nous? La adri ayna hunna adunnu annahunna ma raja'na min al-madrasa. Donc il dit je ne sais pas où est-ce qu'elles sont, je pense qu'elles ne sont pas revenues de l'école. Donc Hamid yakoul hayya bina ya banat. C'est une parmi les filles, bien sûr. Non. Donc il dit hayya, en fait c'est un ism fa'il qui veut dire comme on dit hayya ala salah, il le traduit par accourir, tu vois. En fait c'est comme si on disait allez on y va, et qu'on dit hayya bina ya banat, allez on y va, ou les filles, on traduirait à peu près dans comme ça quoi. Donc comme tu vas le voir inchallah, ce texte se rapporte à un avec les af'al ou al-amthila khamsa. L'amthila khamsa c'est les verbes qui ont un domaine muttasil soit waw jama'a comme yadhhabuna wa tadhhabuna, soit yamukhataba comme tadhhabina, ou soit nous ni soit comme yadhhabna ou tadhhabna. On n'a pas encore que le musanna présent, ça va venir à la fin du début, inchallah. Et ces verbes là c'est quoi leur particularité, comment ils sont marfour avec le nun, soubout et nun comme on dit. Donc là ils vont être mansoub comment, comme le jazb, parce qu'on a déjà pris le jazb auparavant. Ils vont être mansoub comment, c'est quoi leur signe de nazb, c'est qu'on va enlever ce nun comme tu vas le voir. طيب التمرين الاول والثاني هذا لغد ان شاء الله. طيب كما قلنا les questions que ça porte au texte c'est pour demain. طيب ثالثا يقول يسأل مدرس كل الطلاب هذا السؤال. Donc le professeur interroge tous les élèves avec cette question. Il dit ماذا تريد او ماذا يريد هؤلاء الطلاب. Il dit qu'est-ce que ces étudiants veulent. Donc après toi tu dois répondre avec, en employant la formule هؤلاء يريدون ان, et après tu choisis parmi les phrases qui sont en bas. À savoir, là il veut quoi, t'applique le fait que lorsque un y rentre sur l'un des afal hamsa, que tu enlèves le nun qui est après. Par exemple, yuridun an yazhabu ila al-masjid. Tu dis pas yuridun an yazhabuna ila al-masjid. C'est khata. En fait, c'est ça qui veut que t'applique. Donc toi tu choisis 2-3 phrases, tu vois, on prend pas tout, hein, c'est pas la peine. Tu choisis 2-3 exemples dans les ceux qui sont cités en bas. Et tu le rentres dans la question. Donc, un avis de la Kassouel, je te répète la question. Mada yuridu haoulaï atoulab. On va te faire choisir 3 exemples parmi ceux qui sont en dessous. Haoulaï yuridun an yadhaboun an yadhaboun il malab. Hein? Tu dois trouver la réponse qui est... Là, mais... Il lui donne un... Un yadhabou. Ouais. Il malade. Taïeb. Traduis-moi la phrase. Ceux-là veulent partir, veulent aller jouer au terrain de jeu, quoi. Voilà, le terrain de jeu, non. Taïeb. Prends un deuxième exemple. Parmi les trucs en bas, là. Haoula yuridou. يريدون نعم هؤلاء يريدون أن يسكنوا في مهاجع في مهاجع الجامعة نعم. Donc ceux-là veulent habiter dans les dortoirs de l'université. مهاجع c'est le diable de marja, c'est le lieu de, c'est le second, tu vois. نعم. Troisième exemple. وهؤلاء يريدون أن يجلسوا في الصف الأول. Donc ceux-là veulent s'asseoir au premier. Tamam. Maintenant il va t'exposer Je vais te faire un exposé de tous les. De tous les. Du moins, comment le. Du tasrif du fi'al mudari'a. Du fi'al mudari'a, c'est les conjugués. Avec le raf, quand il est marfou, et avec le nas, quand il est mansoub. Comment il est. Donc, il commence par. Yakul ta'amel mayali. Mais dites ce qui suit. Awelen. Avec le fi'al zahaba. Généralement, c'est le fi'al zahaba, c'est souvent qu'employé. Yabdabi el ra'ib. Avec le ra'ib. Il dit. Houa. Yadzhabou. Vous voyez, donc là, Yadzhabou, il est quoi? Il est marfoua. Vous voyez, Yadzhabou, il est marfoua. Et c'est quoi ce signe de son raf? C'est l'origine. Comme on a dit, tant qu'il ne rentre pas un truc qui change la chose, il reste l'origine, c'est qu'il est marfoua. Ensuite, tu te dis, Houa yulidu an yadzhaba. Donc maintenant, il y a un qui est rentré dans le fi'al zahaba. Donc, c'est quoi? Lui, il veut aller. Donc Yadzhaba, là maintenant les poils est mansoub à cause de An. Wa'alam tu nasbihi. C'est quoi le signe de son mansoub? Al-Fathatu Dahira. Non. Ala akhirihi. Non, ça va. Hiya Tadzhabu. Donc elle va. Donc Tadzhabu, là, par il est marfou, ala tu rafi'i, Adamma. Son signe de son raf, c'est la Damma. Hiya turidu an Tadzhaba. Donc elle veut aller. Donc là, Tadzhaba. C'est le shahid, il est mansoub bi an ala tu nasbihi al fatha. Le signe de son nasb, c'est la fatha. Maintenant, il vient avec le mukhatab. Vous voyez, mukhatab. Mufrad, muzakkar. Anta tadhabu. Tu vas. Vous voyez, donc tadhabu, il est marfoua. Ala tu rafi'i al damma, avec une damma. Anta turidu an tadhaba. Tu veux aller. Donc là, le shahid, c'est tadhaba. Mansoub bi an. Vous voyez, il demande tout par un. Et son signe de son nom, c'est Al-Fatha. Après, il vient avec le Mutakallim Mufrad. Et Anna. Il dit Anna Adhabu. Je vais. Donc là, il y a Adhabu Marfou. Vous voyez, et son signe de son raf, c'est Adhamma. Anna Uridu An Adhaba. Je veux aller. Donc là, le Shahid, c'est Adhaba. Mansoubi An. Et le signe de son nom, c'est quoi? Al-Fatha. Après, Mutakallim, Al-Jam. Nahnu, Nazhabu. Nous allons. Donc, Nazhabu, Marfou. Wa alamatu raf'i, Adamma. Le signe de son raf, c'est la Damma. Nahnu, nuridu, Anazhaba. Nous voulons aller. Donc là, Nazhaba, il est mansoub à cause de An. Et le signe de son nom, c'est quoi? Al-Fatha. Ça, c'est ce qui se rapporte au Mufrad. Maintenant, on prend dans le Jam. Là, c'est ça ce qui concerne le Ders. Réellement. Houm, maintenant c'est le Ra'ib. Vous voyez, Jam. Muzakkar. Houm, Yadzhabouna. Ils vont. Donc là, Yadzhabouna, les marfoua. C'est quoi le signe de son raf? C'est le waouh. Tu parles d'où là? Houm, Yadzhabouna. C'est la fatha? Aïna fatha. Houm, Yadzhabouna. Aïna Aramat Rafi. C'est le waouh. Quel waouh? Waouh, Jamaa. Faye. Maïa Aramat Raf, il a fait comme ça. Tu l'as dit tout à l'heure. Là. C'est quoi, là? Comment c'est quoi? Il s'est passé un changement entre temps. Yadhabouna, il est mal fort, c'est quoi le signe de son raf? Hum yadhabouna, antum tadhabouna. C'est bouté de nun. C'est le nun. Vous voyez? Hum yadhabouna, le signe de son raf. Là, c'est quoi? Le nun qui a pas le waouh. Yadhabouna. Et le waouh, waouh jama'a, fa'il. Namé moutassil. Hum yulidouna an yadhabou. Donc là, maintenant, quand le shahid yadhabou, il est mansoub par an, maintenant, c'est quoi? Son ala matonasm. C'est le nun. C'est qu'on enlève le noun. Non. Comme le jazz, comme on a pris auparavant. Avec le nahi. On a pris le nahi. On a dit la tazabou. N'allez pas. Vous voyez? Donc là, il est majoum. En enlevant le noun, ben là, c'est pareil. Il est mansoub à cause de un. Et la preuve qu'il est mansoub, c'est le fait qu'on enlève le noun. Après, c'est le mukhatab muzakka. Antum tazabouna. Vous allez. Donc là, tazabouna, marfoua. Vous voyez? Et la preuve de son rof, c'est quoi? Le noun qui est à la fin. Antum turiduna an tadhhabu. Vous voulez aller. Donc tadhhabu, Là, il est mansoub par un. Et le signe de son nasb, c'est qu'on enlève le nun. Haf nun, comme on dit. Haf nun. Anti, maintenant c'est mukhatab. Tayyib, mufrad, muannaf. Anti tadhabina. Tu vas. Une femme, en parlant à une femme. Donc là, tadhabina, il est marfou. C'est quoi la preuve de son raf? Son signe de son raf, c'est quoi là? Tadhabi. Tadhabina. Aïna, ramat al-rafi. Le nun. Le placement du nun. Et maintenant, anti turidina antadhabi. Tu veux aller à une femme. Vous voyez, tadhabi, elle est mansoub bi an. Il est mansoub par an. Et le signe de son nasb, c'est quoi? Haf le nun. On enlève le nun. Naam. Jim. Maintenant, attention. C'est avec le ra'ib. Jam Mouannath, Al-Mukhatab Jam Mouannath. C'est lui qui s'attache au Noun et Niswa. Et celui-là, on a dit quoi? Il a une règle qui est spécifique, c'est qu'il est, comme on dit, Mebni. Ça veut dire qu'il ne change pas. Vous voyez? Il ne change pas. Quand on dit Mebni, c'est qu'il est Mebni, c'est que la fin ne change pas. Et quand on dit les mots Rab, c'est que la fin, elle change en fonction de ce qu'il a besoin. Ça finira plus tard, Inch'Allah. Mais sache que, avec Noun et Niswa, le verbe, il est Mebni, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Qu'il y a un jazm qui rentre, un nasb qui rentre. Qui sont malfour ou ce que tu veux, il ne change pas, il reste pareil. Masalan yakoul, hun, hunna, yadhabna. Elles vont. Donc là, yadhabna, il est malfour. Vous voyez, il est malfour. Seulement, ça ne se voit pas. Vous voyez, ça ne se voit pas. Pourquoi est-ce qu'il y a un nuniswa? Un nuniswa, il t'empêche de voir quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que nuniswa, tu es obligé de mettre une soukoune devant? Et cette soukoune-là, t'empêche de voir quoi que ce soit. Tu vois ni d'homme, ni rien du tout. Donc il ne change pas, il reste toujours pareil. Donc on dit les mêmes nids, mais seulement il est quoi? À la base, dans une situation de raf. Normalement, il est censé être malfour. Fi mahal raf. Ensuite, il dit Hunna yuridna an yadhabna. Donc elles veulent aller. Donc regarde, pareil. An yadhabna. Là, an est rentré dans le fi'l. Yadhabna. Seulement, est-ce que tu vois un signe quelconque de nasb sur lui? Tu vois rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la soukoun qui est là. Ça y est, la soukoun qui est avant le noun. Là, le noun là qu'on a là dans Hunna yadhabna, attention, c'est pas noun zabouté noun. Ça c'est noun et niswa. C'est un damir. Ça y est, c'est un damir. Donc là, tu dis Hunna yuridna yadhabna. Tu changes rien. Pourquoi est-ce qu'il est bemni? Ça y est, il est invariable, il change pas. Mais ça reste quand même le même sens que les autres phrases. Tu dis elles veulent aller. Après, on prend le mukhatab. Al-Mu'annas al-Jam. Antunna tazhabna. Vous allez. Tazhabna, pareil. Le fi'l là, il est marfoua. Cependant, il est mebni. C'est-à-dire quoi? Ça se voit pas à la fin. Qu'il est marfoua. Tu vas rien voir. Ça, la soukouna reste. Elle t'empêche de voir quoi que ce soit. Ensuite, il dit Antunna turidna tazhabna. Vous voulez aller à des femmes. Donc là, c'est pareil. An tazhabna. Il y a un qui est rentré dans tazhabna. Cependant, le fiel, il est même ni, donc il ne change pas. Vous voyez, il n'y a pas de signe apparent pour le nasb. Mais il est en situation de nasb. Tu vois, c'est mahal nasb. Et le noun, comme on a dit quoi là, c'est noun niswa. Attention, on ne va pas confondre avec le fubut et le noun. Un fumala, taïeb. Khamisan, il dit Dor filamakid il khaliyati el fiel yadhabu musnadan il est domayer el munasaba. Donc toi, tu rentres dans les trous là, le fiel yadhab, et tu l'attaches au domaine qui correspond. تفضل الجمله الاولى يريد طلاب ان يذهبا الى المتحف غدا لا كوا كما صار يريد طلاب ان يذهبا ان يذهبوا الى المتحف غدا ايوه يذهبوا الى المتحف غدا دونك لي ستوديون فول الي او موزي demain دونك غدا سيدير demain ثانيا يا أسامة أتريد أن تذهب إلى المكتب إلى المكتب إلى المكتب البريد لتأخذ البرقية؟ نعم. Donc il dit oh, أسامة veux-tu aller à la poste afin de prendre ton télégramme ou le télégramme? Regarde لتأخذ là c'est لم تعليل comme on l'avait pris auparavant et le fir qui vient derrière il est منصوب. ثالثا أنا أريد أن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. نعم. Dis-moi, je veux aller dans mon pays pendant des vacances d'été. نعم. رابعا. يريد عمي أن يذهب إلى جدة. جدة. لجدة ليشتري سيارة. نعم. Donc mon oncle paternel veut aller à Jeddah pour acheter une voiture. Liyashtariya. طيب. خامسا. أين تريدنا أن تذهبنا بعد الدرس يا أخوات؟ Donc il dit voulez-vous aller après le cours ô les sœurs. سادسا. نعم. نحن نريد أن نذهب إلى باكستان في الأسبوع المقبل. مقبل. مقبل. Nous voulons aller au Pakistan la semaine prochaine. Sadisan, ou Sabian. Akhawati yuridna an yadhhabna ila maktabati hadha al-masa'. Non. Donc il dit mes sœurs veulent aller à la bibliothèque cet après-midi. Thaminan. Ummi turidu an tadhhaba ila saydaliyati litashtari dawa'. Non, donc il dit ma mère veut aller à la pharmacie pour acheter un médicament. تاسعا متى تريدين أن تذهبي إلى المستشفى لعيادة الخالة يا أم كلثوم؟ Donc il dit quand veux-tu aller à l'hôpital afin de visiter ou pour visiter la tante maternelle au أم كلثوم؟ عاشرا يا إخوان أتريدون أن تذهبوا إلى الحديقة الحيوانة. ما في ألف ولام حديقة. حديقة يعقد ألف ولام. سامدوف. تقصدي إلى الحديقة. إلى الحديقة الحيوانة. يعقد ألف ولام حديقة. يعني سامدوف. نعم صحيح. نعم. إلى حديقة الحيوانات اليوم. نعم. ولي فرير، voulez-vous aller au zoo aujourd'hui؟ حديقة à la base c'est un jardin. Et حيوانات c'est le genre de حيوان qui dit animaux. Là, nous, on traduit par un zoo. On peut dire parc animalier, comme on dirait aussi. Afoumala. Ça, c'est avec N. Maintenant, il veut que je fasse pareil, à peu près avec Lam et Ta'lil. Li. Li. Qui est une cause, pour faire une chose. Il dit ça, Akmil kullan mil jumal atiya bi wad fi al mudali'in munasibin. Donc là, maintenant, il te dit de trouver le verbe de toi-même. Et de le rentrer dans la phrase en prenant soin de le donner la harakat correspond parce qu'il y a un lem devant maintenant. Ou des fois ça peut être en, ou des fois ça peut être lem, lem ta'lil. Donc toi fais attention. Tfaddal, la jumal oula. Kharaja tullabu min al fusuli li. سبب الضوضاء البوي بكام les étudiants sont sortis de la classe pour la cause du bruit. C'est quoi le verbe qu'il faudrait là? Pour savoir. Pour savoir. Allez voir. Savoir c'est quoi la cause du bruit. خرج الطلاب خرج الطلاب من الفصول. نعم. ليعرفوا ليعرفوا سبب الضوضاء وصابوا سي كوا لا كوز دي بكام فهمت نعم ثانيا من اي اذاعه تريدون الاخبار يا اخوان des informations de quelle fréquence radio voulez-vous les informations ou les frères. Vous voulez écouter? Nam. Ou entendre. Donc ça veut dire quoi? Tasmaou. Tasmaou. Nam. Tasmaou la khbara, ya ikhwan. Nam. Thalithan. Ya Zainab, ayumkinuki an أنت تشتري هذا العنوان؟ عنوان سي أدريس أدريس يعني هذا العنوان باللغة الفرنسية. إذا est-il possible de cette adresse en langue française sur l'enveloppe. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'adresse par exemple? Oui. Là. Quoi? T'envoies pas une adresse. Une adresse. Aïe. Aïe. Aïe. أيمكنك أن تكتبي؟ تكتبي. أن تكتبي هذا العنوان باللغة الفرنسية. أيوة. تي بوسيبل دي كريست أدريس أون لونغ فرونسيز. نعم. رابعا. خرجت الطالبات الجدد. نعم. لي للمديرة. لي نوفيل ستوديونت سو سورتي بور chez la directrice. Il y a il est. Attention. C'est quoi souvent le verbe qui vient avant il est? Ah oui, il y a Zabna, il est le Moudira. Pour qu'elles aillent chez la directrice. Quoi? Il y a Zabna, il est le Moudira. Ah oui, pour qu'elles aillent chez la directrice. Khamisan. جاء هؤلاء الطلاب إلى الجامعة الإسلامية من بلاد مختلفة اللغة العربية والقرآن والحديث والفقه والتوحيد. نعم يدرسوا. نعم يدرسوا. اللغة العربية والقرآن والحديث والفقه والتوحيد. نعم. Donc ces élèves sont venus à l'université islamique de pays différents pour étudier la langue arabe, le Coran, le hadith, le fiqh et le tawhid. نعم. سادسا. نعم. أتريدنا أن تشربنا القهوة يا بنات. يا بنات. نعم. voulez-vous boire le café ou les filles. سابعا. يا أيها الإخوان لا تخرجوا من الفصل قبل أن تدرسوا الدرس. لا أولا المدرس. قبل أن ou vous les frères sortez pas de la classe avant que le professeur sorte. Ya ayoua, ça c'est une formule de nida, je veux dire ou vous, ça se traduit par ou vous, ça vient inchallah. Dans le Coran il y a beaucoup ya ayoua lida amanou salam. ثم كمل يعني نسيت الحاز. اخرج بعد يعني اخرجوا بعد ان يخرج وادخلوا الفصل قبل ان يخرج. نعم donc il dit sortez après qu'il soit sorti et rentrez dans la classe avant qu'il ne rentre. Plutôt قبل ان يدخلوا ان يدخل وجه دي يخرج. اه طيب نعم. ثامنا. أنت خرجت من الفصل الماء لتشرب الماء لتشربي الماء أليس كذلك؟ نعم. Donc il y a une femme, je suis sorti de la classe pour boire de l'eau, n'est-ce pas؟ نعم. Donc maintenant il te re-répète ce qu'on a lu au début. طيب par rapport au verbe. Ce qu'on a dit au tout début par rapport au verbe, avec le romain, le verbe moudalia, quand il est malfour, c'est quoi le signe de son rof, et quand il est mansoub, c'est quoi le signe de son nas. Donc on va lire. Vas-y, lis toi, Inch'Allah. Ta amel mayali, médite ce qui suit. Yadhabu al-dhamma, yadhaba al-fatha, yadhabuna, thubutun nun. En fait, précise que c'est le fait que. Yadhabu al-dhamma, c'est-à-dire c'est le signe de son rof, alamat al-rof, le signe de son rof. Et Yadhaba, il est mansoub, et le signe de son nom, c'est la fatha. Donc tous les autres après suivent le même ordre. Naam. Wasil, continue. C'était Yadhabouna. Yadhabouna. Le signe de son nom, c'est quoi? De son raf, c'est quoi? Le signe de son raf, c'est. C'est Thubut al-Noun. Naam. Qu'on mette le Noun. Et voilà. Yadhabou. Naam. Le signe de son as. Naam. C'est la suppression du Noun. Hafnoun. Hafnoun. Tadhabou. Le signe de son raf, c'est la Dhamma. Tadhaba. Le signe de son as. C'est la Fatha. Naam. Tadhabna. Le signe de son raf, c'est la. Il est mamni. Il est variable. Naam, il est mamni, naam. Donc on voit pas quoi. Naam. Tadhabna. Le signe de son as, c'est la. Il est mamni. Naam. Tadhabu, le signe de son raf, c'est la Dhamma. Tadhaba, le signe de son as, c'est la Fatha. Tadhaboun, le signe de son raf, c'est Thubut al-Nun. Naam. Ou Tadhabu, le signe de son as, c'est le Haf al-Nun. Naam. Tadhabin, le signe de son raf, c'est Thubut al-Nun. Ou Tadhabi, le signe de son as, c'est le Haf al-Nun. Tadhabna, le signe de son raf, c'est même, il est même ni. Ou Tadhabna, le signe de son asb, il est même ni. Adhabu, le signe de son raf, c'est la Dhamma. Ou Adhaba, le signe de son asb, c'est la Fatha. Tadhabu, le signe de son raf, c'est la Dhamma. Ou Adhaba, le signe de son asb, c'est la Fatha. Donc c'est là qu'on voit le khurasa, c'est que dans le verbe, taïeb, le nas, il a deux signes. Dans ce qu'on a pris pour l'instant. Taïeb, on a pris deux signes. Le nas, on a pris quoi? La fatha et hasan nun. Pour sur du nun. Il en reste un, il viendra après, Inch'Allah. Taïeb, faminan, ta'amel mayali. Mais dites ce qui suit. Dans la phrase, regarde un moment, il avait dit quoi? On revient dans le texte. Ce qui expliquait la phrase, on lui dit, Tayyib Hamid, voilà, regarde, dans l'avant-dernière phrase, avant les Irdel Benet, à la fin du texte. Hamid dit, Arjou, Ella, Ta'khouzna, Hadil Ashia Kullaha. Donc là, il expliquait c'est quoi Ella. En fait, Ella, c'est un. Auquel on a suivi de la nafi. Vous voyez? Attention, c'est pas nahi, c'est nafi. Donc en fait, c'est comme si tu disais Arjou en la Tatroula. Cependant, comme tu vois dans les règles de Himla, on a fait un hydrome entre le noun de en et le lem de la. Ça fait que maintenant on a deux noun avec une chaîne. Tu dis deux lem à fouane. Mais maintenant tu dis Ella. Mais là-bas c'est En la. Donc il dit Arjou En Tatroula Mathalan. J'espère que tu rentres. Le contraire c'est Ajou Arjou Ella Tatroula. J'espère que tu ne rentres pas. Kazalik, il dit Arjou En Tajlisa Huna. J'espère que tu vas t'asseoir ici. Arjou Ella Tajlisa Huna. J'espère que tu ne vas pas t'asseoir ici. Vous voyez donc là le Ella c'est en fait c'est En et La. Ensemble. Tasi'an, kef. Ada harfun min huruf al-jar. Donc ce kef, c'est un harf al-jar. Et donc, dans le texte, lorsqu'il l'a employé, c'est quand il dit, dans la première page, à la fin, dans la parole de Hamid, avant les abna, là, ici, il dit, Aina zumala'ukum, où sont vos camarades? Ma ja'au lyoma li ziyaratikum ka 'adatihim kull usbu'in. Donc là c'est là qu'il est le kaf. طيب. Donc en fait c'est harf ça harf jar. طيب. Et il s'appelle son nom c'est harf tajbih. Pareil. C'est une lettre de comparaison. Harf jar. Donc le is qui est derrière il est majrour. Donc il dit hadha al-madrasatu ka al-masjidi. Cette école est comme la mosquée. Yep. Saniyan, hadi al-kahwatu kal-ma'i. Ce café est comme l'eau. Thalithan, hamidun kaslanu ka zamilihi. Hamid est un fainéant comme son camarade. Sa'ati ka sa'atika. Ma montre est comme ta montre. Afoum ? Donc quand tu mets le kiev devant, c'est pour faire une comparaison entre deux choses, pour faire une ressemblance. Et quand ça harfoja, le nom qui vient derrière, il va être quoi ? Majrour. Afoum ? Donc là, il donnait kalimat jadida. Aada. Le jam, c'est aadat. C'est habitude, coutume. Malabis. Taïeb, c'est des vêtements. Taïeb, c'est des vêtements. Des vêtements sont... Et c'est le djem de l'Ibès. Mouthafu, djem matahif. Taïeb, matahif. Ça, c'est un musée. Hadiqatul hayawanat, c'est un zoo, un parc animalier. Hadiqa, c'est un jardin, un parc, c'est marlouf. Et le hayawanat, c'est le djem de hayawan qui veut dire animal. Ulbatun, le djem, c'est ulab. Ça, c'est une boîte. Et c'est pas comme sundouk, c'est plutôt une boîte. Par exemple, une boîte de conserve, c'est-à-dire Olba Hadidiya. C'est les boîtes dans lesquelles il y a le fasoulia, c'est comme ça. Parce que boîte, on peut aussi dire Sundok. Sundok, c'est aussi une boîte. Ouais, c'est Daliya, ça c'est pharmacie. C'est Daliya, c'est pharmacie. Donc pour conclure par rapport à ce ders, on a pris un quand il rentre dans les verbes dont le signe de Rof c'est le Nun. Eh ben, l'élément de soupe, ça va être comment ? En avant, c'est nous. C'est tout. Fakat. C'était ça le cours de Dars. Rappelle-toi. T'as des cas souhaits ? Ah, ben, des souhaits. Taïeb. T'en as pour l'alhamdoulilah. Rabbil alamin.